Vous écoutez donc Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89,1 et nous ouvrons donc l'émission avec une revue de presse. François a participé à cette revue de presse d'ailleurs et donc en fouillant, il est allé trouver, il a trouvé que bon, des biologistes ont déniché une bactérie qui s'est substituée l'arsenic au phosphore et quand celle-ci vient en manquer de phosphore et a utilisé donc même cet arsenic dans ses protéines et même dans son ADN. Alors c'est un peu de quoi bouleverser les manuels de biologie parce que c'est pas ce qu'on apprend à l'école et puis ça élargit un peu notre point de vue donc de l'exobiologie, ces formes de vie qui pourrait y avoir ailleurs dans l'univers et qui pourraient donc des formes de vie qui pourraient s'adapter à bien d'autres conditions qu'on ne le pensait. Donc et d'ailleurs, c'est pas tout à fait un hasard, c'est la NASA qui a lancé cette nouvelle, François. Oui, effectivement Valérie, en fait le 2 décembre dernier, la NASA annonçait avec fracas une nouvelle étonnante sur la vie extraterrestre concernant en fait une bactérie capable de remplacer le phosphore de son ADN par un élément reconnu par sa toxicité, l'arsenic. Alors, cette bactérie a été découverte dans les sédiments du lac Mono, en Californie, par une géomicrobiologiste du nom de Melissa Wolf-Simon. Le lac Mono est un lac très salin et hautement alcalin. Alors, la bactérie, elle, a été baptisée GFAJ1. C'est pas un joli nom, ça? Non, pas tellement. Effectivement, c'est pas très sexy. Ouais. Alors, jusqu'à maintenant, la communauté scientifique s'entendait sur le fait que le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le phosphore et le soufre, en fait, sont les 6 principaux éléments qui entrent dans la composition des organismes vivants sur Terre. C'est vrai. Parce qu'on les retrouve dans les molécules qui supportent la vie, comme par exemple l'ADN, les protéines, les sucres, etc. Alors, de plus, on a toutes les raisons de penser que la vie a démarré dans les océans, et peut-être même dans les cheminées des sources hydrothermales. Alors, le problème, c'est que le phosphore est plutôt rare dans les océans. L'apparition de molécules comme l'ADN ou l'ARN devient, en fait, du coup, plus difficile à comprendre. Par contre, l'arsenic, lui, est plus abondant. Ah bon? Alors, si on regarde, en fait, sa place dans le tableau périodique des éléments, on remarque que l'arsenic se trouve dans la même colonne que le phosphore, juste en dessous de lui. Alors, ces deux éléments se trouvent donc dans le même groupe chimique, ce qui signifie que leurs propriétés chimiques sont quand même assez voisines l'une de l'autre. Et même si l'arsenic est un poison violent pour les organismes vivants, eh bien, il semble concevable à l'origine que les premières formes de vie aient pu démarrer avec un ADN ou un ARN dépourvu de phosphore, mais renfermant plutôt de l'arsenic. Alors, Felissa Wolf-Simon a entrepris de prouver cette hypothèse et a cherché des environnements où une bactérie serait le plus susceptible d'utiliser de l'arsenic. Mais comment elle a fait pour arriver à prouver que l'arsenic pouvait remplacer le phosphore? Alors, avec ses collègues, elle a collecté la bactérie GFAJ1 dans les sédiments des berges du lac Mono. Cette bactérie fait partie des Halomonas, un genre connu capable de se développer dans les milieux extrêmes, sursalés et dont certaines souches supportent de fortes concentrations en arsenic. Ah, donc il y avait déjà un indice. Oui, effectivement. Alors, au début de ces expériences, l'ADN, en fait, de la bactérie était parfaitement normal, c'est-à-dire qu'il ne contenait pas d'arsenic. Alors, Mme Simon a mis les bactéries en culture dans un environnement privé de phosphore, mais riche en arsenic. Et est-ce que la bactérie a aimé ça? Les premières observations démontrent que la bactérie se développe sans problème. Pendant plus d'une année, des générations de ces bactéries se sont succédées, même si elles étaient privées de toute source de phosphore. Les résultats ont été confirmés par des analyses chimiques des bactéries à l'aide de spectromètres de masse. Les analyses ont révélé que les bactéries issues des milieux riches en arsenic mais dépourvues de phosphore contenaient bien elles-mêmes beaucoup d'arsenic et très peu de phosphore. Mieux encore, en utilisant des isotopes radioactifs de l'arsenic, les chercheurs ont démontré qu'environ 10% de l'arsenic absorbé par les bactéries se fixe dans leur ADN. D'accord, donc là finalement, les bactéries ont remplacé le phosphore qui était dans leur ADN par de l'arsenic. Exactement. Mais est-ce qu'elles peuvent faire l'inverse? De façon tout à fait remarquable, les bactéries remises en culture dans un milieu riche en phosphore mais dépourvu en arsenic se sont à nouveau développées sans aucun problème. Malheureusement, l'article ne dit pas si les atomes d'arsenic présents dans l'ADN des protéines et des bactéries ont été resubstitués par des atomes de phosphore. Malheureusement, ça, on ne sait pas. D'accord, ouais. Mais alors, en fait, c'est la NASA qui a sorti la nouvelle, là, donc ça évoque un peu la possibilité qu'une vie extraterrestre ça augmente un peu la possibilité de trouver des vies extraterrestres qui seraient basées sur ce principe. Peut-être on n'est plus forcément guidé par ce qu'on connaissait de la biologie actuelle. On se dit, il y a peut-être des formes de vie. Si sur une certaine planète il y a de l'arsenic, peut-être qu'il y a des formes de vie. Nos repères ont changé. Hein. Un exobiologiste de la NASA, Michael New, pense que la découverte d'un organisme qui peut utiliser de l'arsenic en fait pour construire ses composants cellulaires peut indiquer que la vie peut se former en l'absence de grandes quantités de phosphore disponibles, augmentant ainsi la probabilité de trouver la vie ailleurs. Alors, cette découverte élargit notre compréhension des conditions dans lesquelles la vie peut se développer et peut-être apparaître, ce qui accroît notre compréhension de la distribution de la vie sur Terre et les habitats potentiels pour la vie ailleurs dans le système solaire. Alors, Michael New croit aussi qu'il va falloir repenser la gamme des tests possibles pour détecter les formes de vie, ainsi que les lieux où la chercher, comme par exemple sur Mars, sur Europe, en fait Europa, ou sur forme de biosignature dans l'atmosphère d'une exoterre. Alors voilà, c'est tout pour cette nouvelle. Alors toi, Valérie, tu as aussi une nouvelle à nous présenter, je pense. Oui, moi j'ai quelque chose sur des oiseaux, des oiseaux qui ont des becs crochus. Oui, effectivement. Qui sont en Alaska. Hein? Oui, c'est ça. Alors, on fait un tour maintenant chez oiseaux en Alaska qui ont des becs tordus. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est une équipe de scientifiques américains qui ont fait cette observation en Alaska. Ça a été fait chez plusieurs espèces d'oiseaux. Bon, il y a la mésange à tête noire, la corneille d'Alaska, mais aussi, en fait, un total de 30 espèces d'oiseaux. Des oiseaux des espèces migratrices et aussi des espèces résidentes à l'Alaska. Et il y a deux études qui ont été déjà publiées sur le sujet dans le journal de l'Union des ornithologues américains. C'est pas anecdotique, en fait. La première étude relate que 2600 oiseaux, donc appartenant à 30 espèces, ont le bec tordu. Donc 2600 oiseaux, c'est pas un tout petit échantillon quand même. Et puis, parmi les mésanges, par exemple, il y a 6,5% des mésanges observés chaque année qui ont cette déformation. Donc les mésanges, on les voit ici, les petites mésanges à tête noire, c'est des mésanges qu'on voit ici. Donc il faut juste imaginer que dans les mésanges à tête noire qu'on verrait ici, il y en aurait 6,5% qui auraient le bec tordu. La deuxième étude porte sur les corneilles, et là, en moyenne, c'est près de 17% des corneilles qui ont une déformation du bec. Et par endroit même, ça atteint 36%. Et en plus, le phénomène sort de l'Alaska, ça s'étend à la Colombie-Britannique et dans l'État de Washington. Donc, c'est vraiment pas anecdotique. Et est-ce que ça peut gêner les oiseaux pour se nourrir? Ben oui, certainement, parce que la forme du bec, c'est directement lié à ce qu'ils mangent. On sait que les granivores, ils ont des gros becs pour pouvoir casser les noix ou les graines. On sait que pour fouiller la vase, par exemple, les oiseaux de rivage ont un bec plus long. Donc, bien sûr, si le bec change de forme, l'oiseau perd son outil qui lui sert à chasser et à se nourrir. Donc, il va falloir peut-être qu'il mange autre chose, mais il n'est pas habitué à manger autre chose, il n'est pas habitué à chasser autre chose. Donc, dans le cas de la mésange, par exemple, sur le site, j'ai vu ça sur le site des bulletins scientifiques des ambassades. Et donc, on voit une photo où vraiment les mésanges ont vraiment le bec complètement crochu et qui se croisent, là, comme des becs croisés, mais en pire, c'est vraiment surprenant. Alors évidemment, elle va devoir changer son régime alimentaire. Ils préfèrent des ciseaux avec leur bec. C'est ça, exactement. Puis des ciseaux qui ne coupent pas bien en plus. Donc aussi, elle va passer plus de temps à chercher sa nourriture. Donc, ce faisant, elle va être plus exposée aux prédateurs. Puis en bout de ligne, elle s'alimentera moins. Ça peut même avoir des conséquences sur le lissage des plumes, parce qu'ils utilisent le bec pour se lisser les plumes, et même pour la parade, pour la reproduction, se chercher un conjoint aussi. Donc cette déformation du bec porte un nom, ça s'appelle le trouble de la kératine aviaire. Donc la kératine, c'est une protéine qui compose le bec, mais aussi les pattes, les serres et les plumes, et certains oiseaux ont d'ailleurs aussi des déformations sur les pattes, les serres et les plumes. Mais Valérie, est-ce qu'on sait à quoi c'est dû, en fait, cette déformation? Pour le moment, il n'y a pas vraiment de certitude, mais on pointe du doigt la pollution. Il y a déjà eu des observations similaires par le passé. Dans les années 70, autour des Grands Lacs, il y avait déjà des oiseaux avec des becs courbes et des anomalies congénitales également, et ça avait été attribué aux pesticides. Dans les années 80, on a observé le même genre de phénomène en Californie, et là, c'était dû au sélénium. On avait réussi à identifier les polluants coupables. Et quand ces polluants ont été interdits, finalement, ces malformations ont aussi disparu. Donc là, les scientifiques ont fait des biopsies sur les oiseaux et ils n'ont pas relevé des quantités suffisantes de sélénium ou de pesticides pour dire que c'était attribuable à ces polluants-là en particulier. Donc, ils supposent que c'est un polluant, mais on ne sait pas encore lequel. On est encore à sa recherche. C'est ça, exactement. Donc, mais c'est quand même, vu que le phénomène se répand quand même rapidement, les scientifiques qui étudient la question tirent quand même la sonnette d'alarme. Alors, merci beaucoup Valérie pour cette revue de presse. Ouais, puis je pense qu'on part en pause musicale maintenant. Tout à fait. Et vous écoutez toujours CKRL au 89,1.